Aimé moi mais encore. Faut pas donner moi si moi calé ou lis souvent. Et aimer encore. Faut pas donner.